بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et qui a créé à partir de celui-ci son épouse. De ces deux-là, il a répandu de tous côtés une multitude d'hommes et de femmes. Craignez Dieu, au nom duquel vous exigez vos droits les uns des autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Dieu vous observe parfaitement. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. Donnez-leur bien aux orphelins, n'y substituez pas le mauvais au bon. N'utilisez pas leurs biens en les intégrant aux vôtres, car ce serait certes un grand péché. Si vous craignez de ne pas être juste envers les orphelins, épousez deux, trois ou quatre femmes parmi celles qui vous plaisent. Mais si vous craignez de ne pouvoir être juste avec elles, alors une seule ou des captives que vous possédez. Cela est plus à même de vous éviter d'être injuste. Donnez aux femmes que vous épousez leur dot de bonne grâce, mais si de bon gré, elles vous en cèdent une partie, disposez-en alors à votre aise et de bon cœur. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. Ne confiez pas aux incapables les biens dont Dieu a fait votre subsistance. Utilisez-les pour les nourrir et les habiller, et parlez-leur gentiment. Éprouvez la capacité des orphelins jusqu'à ce qu'ils soient en âge de se marier. Si vous trouvez qu'ils ont du jugement, remettez-leur leurs biens. Ne les utilisez pas et ne les gaspillez pas à la hâte avant qu'ils n'aient grandi. que celui qui est riche s'abstienne de toucher au bien de l'orphelin, et que celui qui est pauvre en utilise raisonnablement pour la tutelle. Lorsque vous remettez leurs biens aux orphelins, que des témoins soient présents, Dieu suffit pour observer et faire le compte. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا Aux hommes revient une part de ce qu'ont laissé leurs parents et leurs proches, et aux femmes une part de ce qu'ont laissé leurs parents et leurs proches, que ce soit peu ou beaucoup, une part déterminée. Lorsque les proches, les orphelins et les nécessiteux assistent au partage, offrez-leur-en quelque chose et parlez-leur gentiment. Que la crainte saisisse ceux qui, s'ils laissent derrière eux une progéniture en bas âge, auraient peur à son sujet. Qu'ils craignent donc Dieu et qu'ils prononcent des paroles justes. Ceux qui disposent injustement des biens des orphelins ne font qu'avaler du feu. Ils brûleront en enfer. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما Concernant vos enfants, Dieu vous enjoint d'attribuer au fils une part équivalente à celle de deux filles. S'il n'y a que des filles, même plus de deux, à elle alors deux tiers de ce que laisse le défunt. Et s'il n'y en a qu'une, à elle alors la moitié. Quant au père et mère du défunt, à chacun d'eux le sixième de la succession, s'il a un enfant. S'il n'a pas d'enfant, et que ses parents héritent de lui, le tiers reviendra à sa mère. S'il a des frères, le sixième reviendra à sa mère, après exécution du testament, toute dette étant acquittée. De vos parents ou de vos enfants, vous ne savez pas de qui vous bénéficierez le plus. Ceci est une injonction de Dieu. Certes, Dieu est omniscient et sage. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ. À vous la moitié de ce que laissent vos épouses, si elles n'ont pas d'enfants. Si elles ont un enfant, à vous la part de ce qu'elles laissent. Après exécution du testament, toute dette étant acquittée. À elle un quart de ce que vous laissez, si vous n'avez pas d'enfant. Si vous avez un enfant, à elle le huitième de ce que vous laissez après exécution du testament, toute dette étant acquittée. Si un homme ou une femme meurt sans héritier direct, cependant qu'il laisse un frère ou une sœur, à chacun de ceux-ci un sixième. S'ils sont plus de deux, tous alors participeront au tiers, après exécution du testament, toute dette étant acquittée, sans préjudice à quiconque. Telle est l'injonction de Dieu. Dieu est omniscient et plein de mansuétude. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Tels sont les ordres de Dieu. Quiconque obéit à Dieu et à son messager, il le fera entrer dans des jardins, sous lesquels coulent des ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Voilà la grande réussite. Quiconque désobéit à Dieu et à son messager et transgresse ses limites, il le fera entrer dans le feu de l'enfer, pour y demeurer éternellement. Il aura un châtiment avilissant. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. Celles de vos femmes qui se rendent coupables de débauche, faites témoigner contre elles quatre d'entre vous. Et s'ils attestent que leurs allégations sont fondées, confinez ces femmes dans leur maison jusqu'à ce que la mort vienne les chercher ou que Dieu décrète un autre ordre à leur égard. Si deux d'entre vous sont coupables de débauche, punissez-les. S'ils se repentent et s'amendent, laissez-les en paix. Dieu est pardonneur et miséricordieux. إن إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Dieu accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance et aussitôt se repent. Voilà ceux à qui Dieu pardonne. Dieu est omniscient et sage. Mais le pardon n'est point pour ceux qui font de mauvaises actions jusqu'à ce que la mort se présente à eux et qui disent « Certes, maintenant je me repens », ni pour ceux qui meurent mécréants. Pour cela, nous avons préparé un châtiment douloureux. « Ya ayyuha alladhina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karha » ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Ô vous qui croyez, il ne vous est pas licite d'hériter des femmes contre leur gré. Ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur ravir une partie de ce que vous aviez donné, à moins qu'elles ne viennent à commettre un péché prouvé. Comportez-vous convenablement envers elles. Si vous éprouvez de l'aversion pour elles, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Dieu a déposé un grand bien. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. Si vous désirez épouser une femme à la place d'une autre et qu'il vous avait donné à l'une un quintard, 1000 pièces d'or, n'en reprenez rien. Le reprendriez-vous par injustice et péché manifeste? Comment oseriez-vous le reprendre après que le rapport le plus intime vous est uni et qu'il ait pris de vous un engagement solennel? N'épousez pas les femmes que vos pères ont épousées, exception faite des situations acquises. Ce serait une obscénité, une abomination et une mauvaise conduite. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Vous sont interdites vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes paternelles et maternelles, filles d'un frère ou d'une sœur, mères nourricières, sœurs de lait, mères de vos épouses, belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage. Mais si le mariage n'a pas été consommé, ce n'est pas un péché de votre part d'épouser leurs filles, les femmes de vos fils issus de vos reins, et il vous est interdit d'être marié à deux sœurs simultanément. Exception faite des situations acquises. Certes, Dieu est pardonneur et miséricordieux. تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Et toutes les femmes qui sont mariées vous sont interdites, sauf celles captives que vous possédez. C'est là un décret de Dieu pour vous. Toutes les femmes, autres que celles mentionnées, vous sont licites, et il vous est permis de chercher à les épouser, en vous servant de vos biens, et de conclure avec elles un honnête mariage, sans vous adonner à la débauche. Puis, comme vous tirez d'elles une satisfaction, donnez-leur leur dot, tel que prescrit. Et vous ne commettez aucun péché si vous concluez un accord mutuel, après que la dot ait été déterminée. Certes, Dieu est omniscient et sage. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. Et quiconque parmi vous n'est pas en mesure d'épouser des préservées croyantes, qu'il épouse une femme parmi celles de vos domestiques croyantes. Dieu connaît mieux votre foi, car vous êtes les uns des autres. Épousez-les donc avec le consentement des leurs, donnez-leur un salaire nuptial, selon les convenances, et prenez-les au titre d'épouse chaste, non pas au titre de prostituée publique ou amante clandestine. Une fois mariée, si elle commet une turpitude, il leur incombera la moitié de ce qui incombe aux préservés. Ceci est autorisé à celui d'entre vous qui craint la débauche, mais patienter vaudrait mieux pour vous. Dieu est pardonneur et miséricordieux. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. Dieu veut vous expliquer les choses et vous guider à travers les exemples de ceux qui vécurent avant vous. Et il veut se tourner vers vous en toute miséricorde. Dieu est omniscient et sage. Dieu veut se tourner vers vous en toute miséricorde, mais ceux qui suivent leurs vaines passions veulent vous égarer totalement. Dieu veut alléger vos obligations, car l'homme a été créé faible. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. Ô vous qui croyez, ne dilapidez pas vos biens entre vous par pure vanité, mais faites des affaires commerciales par consentement mutuel, et ne vous entretuez pas. Certes, Dieu est miséricordieux envers vous. Quiconque fait cela, par agression et injustice, nous le jetterons dans le feu. Cela est facile pour Dieu. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos mauvaises actions et vous ferons rentrer au paradis par une porte honorable. Ne convoitez pas ce que Dieu a attribué à certains d'entre vous plus qu'à d'autres. Aux hommes la part qu'ils ont acquise, aux femmes la part qu'elles ont acquise. Ne vous enviez pas les uns les autres et demandez de sa grâce à Dieu. Certes, Dieu est omniscient. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. À chacun, nous avons désigné des héritiers pour ce que laissent les parents et la famille proche. Quant à ceux avec qui vous vous êtes engagés, de vos propres mains, donnez-leur leur dû. Dieu est certes témoin de toutes choses. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Les hommes assument les femmes, à raison des avantages que Dieu a accordés aux uns, de préférence aux autres, et parce qu'ils dépensent de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes et protègent ce qui doit être protégé en l'absence de leur mari. Quant à celles dont vous craignez la rébellion, réprimandez-les, éloignez-vous de leur lit et frappez-les. Puis, si elles vous obéissent, ne cherchez plus à leur nuire. Certes, Dieu est très haut et grand. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. Si vous craignez une rupture entre les deux époux, choisissez un arbitre de sa famille à lui et un arbitre de sa famille à elle. S'ils souhaitent arriver à une entente, Dieu rétablira l'harmonie entre eux. Certes, Dieu est omniscient et connaît parfaitement les choses. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Adorez Dieu et ne lui attribuez aucun associé. Traitez avec bonté vos parents et vos proches, ainsi que les orphelins, les nécessiteux, le voisin apparenté et le voisin étranger, le compagnon de voyage et le voyageur, et votre droit de propriété. Certes, Dieu n'aime pas ceux qui sont arrogants et vantards. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. Qui amassent des richesses et poussent les autres à l'avarice et cachent ce que Dieu leur a donné de par sa grâce. Pour les mécréants, nous avons préparé un douloureux châtiment. Et ceux qui dépensent leurs biens avec ostentation devant les gens et qui ne croient pas en Dieu ni au jour dernier, quiconque prend Satan comme camarade, quel mauvais camarade il a. Qu'aurait-il à craindre s'il croyait en Dieu et au jour dernier et dépensait de façon convenable de ce que Dieu leur a attribué? Dieu les connaît parfaitement. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. Certes, Dieu ne laisse pas, fût-ce du poing d'un atome. S'il est une bonne action, il la double et accorde à celui qui l'a faite une récompense énorme de sa part. Quelle sera alors leur situation quand nous ferons venir de chaque communauté un témoin et que nous te ferons venir, ô Mohammed, comme témoin contre eux. Ce jour-là, ceux qui ont refusé de croire et d'obéir aux messagers souhaiteront que la terre soit nivelée sur eux et ils ne pourront rien cacher à Dieu. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ. Ô vous qui croyez, n'approchez pas de la prière lorsque vous êtes ivre, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites, ni lorsque vous êtes en état d'impureté, à moins que vous ne soyez en voyage, jusqu'à ce que vous ayez pris un bain rituel. Si vous êtes malade ou en voyage, si l'un de vous revient de faire ses besoins, si vous avez touché intimement vos femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à de la terre pure et frottez-en votre visage et vos mains. Certes, Dieu est indulgent et pardonneur. Ne vois-tu pas ceux à qui une partie du livre a été donnée ? Achetez l'erreur et cherchez à vous faire dévier, vous musulmans du droit chemin. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Dieu sait mieux qui sont vos ennemis. Dieu suffit comme protecteur. Dieu suffit comme secoureur. Il en est parmi les juifs qui prennent les mots hors contexte et qui disent « Nous entendons et nous désobéissons. Nous écoutons sans vraiment entendre. Et écoute-nous, altérant les mots avec leur langue pour dénigrer la religion. S'ils avaient dit « Nous entendons et nous obéissons, écoute et regarde-nous », cela aurait été meilleur pour eux et plus juste. Mais Dieu les a maudits pour leur incroyance, alors ils ne croient point, sauf un petit nombre d'entre eux. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. Ô vous à qui le livre a été donné, croyez à ce que nous avons révélé et qui confirme ce que vous aviez déjà, avant que nous détruisions des visages afin de les confondre, ou que nous les maudissions comme nous avons maudit ceux qui violaient le sabbat. Le commandement de Dieu est toujours exécuté. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Certes, Dieu ne pardonne pas qu'on lui attribue des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Quiconque attribue des associés à Dieu commet un péché énorme. Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. N'as-tu pas vu ceux qui se flattent d'être purs? Mais non, Dieu purifie qui il veut, et ils ne seront point lésés, fût-ce d'une fibre de noyau de date. Vois comme ils inventent des mensonges au sujet de Dieu. Cela suffit comme péché flagrant. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. N'as-tu pas vu ceux à qui une partie du livre a été donnée, croire aux idoles et aux fausses divinités et dire des négateurs, ceux-là sont mieux guidés que ceux qui croient. Voilà ce que Dieu a maudit, et celui que Dieu maudit, jamais tu ne trouveras de secoureur pour lui. Possède-t-il une partie du pouvoir suprême? Si c'était le cas, il ne donnerait pas même aux gens, fût-ce un creux de noyau de date. أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. Envient-ils les gens à cause de ce que Dieu leur a donné de par sa grâce? Mais nous avions déjà donné à la famille d'Abraham le livre et la sagesse, et nous leur avions donné un immense royaume. Certains d'entre eux crurent en lui, et d'autres se détournèrent de lui. L'enfer leur suffira comme flamme pour y brûler. Certes, ceux qui ne croient pas à nos signes, nous les ferons entrer dans le feu. Chaque fois que leur peau aura été consumée, nous leur donnerons une autre peau en échange, afin qu'ils goûtent au châtiment. Certes, Dieu est puissant et sage. سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. Et quant à ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous les ferons entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement. Il y aura là, pour eux, des épouses pures et nous les ferons entrer sous un ombrage épais. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. Certes, Dieu vous commande de rendre leurs dépôts à leurs propriétaires et de juger avec équité lorsque vous jugez entre les gens. Certes, comme est excellente l'exhortation que Dieu vous fait. Et Dieu est, en vérité, celui qui entend et qui voit tout. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Ô vous qui croyez, obéissez à Dieu et obéissez aux messagers, ainsi qu'à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. Et si vous vous disputez au sujet de quoi que ce soit, reportez-vous à Dieu et aux messagers, si vous croyez vraiment en Dieu et au jour dernier. Ce sera bien mieux et cela mènera à un meilleur aboutissement. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire en ce qui t'est révélé et en ce qui a été révélé avant toi? Ils voudraient prendre comme juge dans leurs disputes de fausses divinités, alors qu'il aura été ordonné de les rejeter. Satan souhaite pouvoir les égarer profondément. Et lorsqu'on leur dit « Venez vers ce que Dieu a révélé et vers le messager », tu vois les hypocrites se détourner de toi avec aversion. Comment agiront-ils quand un malheur les atteindra à cause de ce qu'ils auront préparé de leurs propres mains? Viendront-ils alors à toi, jurant par Dieu en disant « Nous ne voulions que le bien et l'harmonie ». أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. Voilà ceux dont Dieu connaît les secrets du cœur. Alors détourne-toi d'eux, exhorte-les et parle-leur de leur âme en usant de paroles qui leur vont droit au cœur. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Nous n'avons envoyé de messagers que pour qu'ils soient obéis par la permission de Dieu. Et si, lorsqu'ils se sont fait du tort à eux-mêmes, ils étaient venus à toi en implorant le pardon de Dieu, et que tu avais demandé pardon pour eux, ils auraient certes trouvé Dieu pardonneur et miséricordieux. Mais non, par ton Seigneur, ils ne croiront pas vraiment, tant qu'ils ne t'auront pas demandé de juger leurs disputes, tout en ne trouvant, au fond d'eux-mêmes, aucun mécontentement à l'égard de ce que tu auras décidé, et qu'ils ne s'y soumettront pas totalement. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. Si nous leur avions prescrit ceci, tuez-vous vous-même ou abandonnez vos demeures, très peu d'entre eux l'auraient fait. Et pourtant, s'ils avaient fait ce à quoi on les exhortait, cela aurait été meilleur pour eux et aurait affermi leur foi. Nous leur aurions donné, de notre part, une récompense énorme. Et nous les aurions guidés vers le droit chemin. Quiconque obéit à Dieu et aux messagers, ceux-là seront avec ceux que Dieu a comblés de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux, et quel bon compagnon que ceux-là. Telle est la grâce de Dieu, et Dieu suffit comme parfait connaisseur. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. Ô vous qui croyez, prenez vos précautions et partez en expédition, par détachement, ou tous en bloc. Certes, il s'en trouvera un parmi vous qui tardera et qui, si un désastre vous atteint, dira « Dieu m'a fait une faveur car je n'étais pas en leur compagnie ». Et si c'est une grâce de Dieu qui vous atteint, il se mettra certes à dire, comme s'il n'y avait aucune affection entre vous et lui, « Quel dommage! Si j'avais été avec eux, j'aurais alors acquis un gain énorme. » فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا. Qu'ils combattent donc dans le sentier de Dieu, ceux qui troquent la vie d'ici-bas contre celle de l'au-delà. Quiconque combat dans le sentier de Dieu, qu'il soit tué ou vainqueur, nous lui donnerons une récompense énorme. Et pourquoi ne combattriez-vous pas pour la cause de Dieu et celle des faibles parmi les hommes, les femmes et les enfants, qui crient « Notre Seigneur, fais-nous sortir de cette cité dont les habitants sont des oppresseurs. Assigne-nous de ta part un protecteur et assigne-nous de ta part un secoureur. » الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Ceux qui croient combattent pour la cause de Dieu, et ceux qui ne croient pas combattent pour la cause des idoles. Alors, combattez les alliés de Satan. Certes, la ruse de Satan est toujours faible. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. N'as-tu pas vu ceux à qui on avait dit « Abstenez-vous de combattre, accomplissez la prière et payez la zakat ». Lorsque le combat leur fut prescrit, voilà qu'un groupe parmi eux se mit à craindre les gens comme on craint Dieu, ou même d'une crainte plus grande encore, et à dire « Notre Seigneur, pourquoi nous as-tu prescrit le combat, si seulement tu nous donnais un répit pendant un moment ? » Dis-leur, la jouissance d'ici-bas est infime, l'au-delà sera meilleur pour celui qui est pieux. Et vous ne serez point lésés, fût-ce d'une pellicule de noyaux de date. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. Où que vous soyez, la mort s'abattra sur vous, fussiez-vous dans des tours imprenables. Si un bien les atteint, ils disent « Cela vient de Dieu ». Si un mal les atteint, ils disent « C'est à cause de toi, Mohammed ». Dis-leur « Tout vient de Dieu ». Mais qu'ont-ils ces gens à ne pas comprendre ce qu'on leur dit ? Tout bien qui t'atteint, ô homme, vient de Dieu. Et tout mal qui t'atteint, vient de toi-même. Nous t'avons envoyé, ô Mohammed, en tant que messager aux gens, Dieu suffit comme témoin. Quiconque obéit au messager, obéit certainement à Dieu. Quiconque se détourne, nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardien. والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Ils disent obéissance. Mais sitôt sorti de chez toi, un groupe d'entre eux passe la nuit à planifier des choses contraires à ce que tu leur dis. Cependant, Dieu enregistre ce qu'ils complotent durant la nuit. Alors détourne-toi d'eux et fais confiance à Dieu. Dieu suffit comme protecteur. Ne méditent-ils donc pas sur le Coran ? S'il provenait d'un autre que Dieu, ils y trouveraient maintes contradictions. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. Lorsque leur parvint une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. Pourtant, s'ils la rapportaient aux messagers et à ceux qui détiennent l'autorité, les plus avisés d'entre eux pourraient savoir comment disposer de l'information. Si ce n'avait été de la grâce de Dieu et de sa miséricorde, vous auriez suivi Satan, à l'exception d'un petit nombre d'entre vous. Combat donc, ô Mohammed, dans le sentier de Dieu. Tu n'es responsable que de toi-même. Incite les croyants. Peut-être Dieu restreindra-t-il la puissance des mécréants. Dieu est plus redoutable en puissance et plus sévère en punition. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. Qui intercède de belles intercessions en gagnera une part. Qui intercède de mauvaises intercessions en subira une parcelle. Dieu détient le pouvoir de toutes choses. Lorsqu'on vous fait une salutation, répondez par une salutation meilleure ou rendez-la simplement. Certes, Dieu tient compte de tout. Dieu, nul Dieu excepté lui, il vous rassemblera tous au jour de la résurrection, point de doute là-dessus. Et qui est plus véridique que Dieu lorsqu'il parle ? فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. Qu'avez-vous à vous diviser en deux factions au sujet des hypocrites, alors que Dieu les a fait retomber au plus mal à cause de ce qu'ils ont acquis. Cherchez-vous à guider ceux que Dieu a rendus égarés, et celui que Dieu rend égaré, tu ne trouveras aucun chemin pour le ramener. Ils aimeraient vous voir mécréants, comme eux, afin que vous soyez tous au même niveau. Ne prenez donc pas de protecteur parmi eux, jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier de Dieu. Mais s'ils tournent le dos, alors saisissez-les et tuez-les où que vous les trouviez. Ne prenez parmi eux ni alliés ni secoureurs. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا. Sauf ceux qui trouvent refuge chez un peuple avec lequel vous avez conclu une alliance, ou viennent chez vous le cœur serré d'avoir à vous combattre, ou à combattre leur propre tribu. Si Dieu avait voulu, il aurait permis qu'ils aient le pouvoir sur vous, et ils vous auraient certainement combattu. S'ils se tiennent éloignés de vous, qu'ils ne vous combattent pas et vous offrent la paix, Dieu ne vous permet pas de sévir contre eux. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. Vous en trouverez d'autres qui cherchent à gagner votre confiance et en même temps celle de leur propre tribu, de sorte que chaque fois qu'ils sont appelés à l'idolâtrie, ils y retombent en masse. S'ils ne se tiennent pas éloignés de vous, ne vous offrent pas la paix, et ne s'abstiennent pas de vous combattre, alors saisissez-les et tuez-les où que vous les trouviez. Contre eux, Dieu vous a donné un pouvoir clair. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. Un croyant ne devrait jamais tuer un autre croyant, à moins qu'il ne le fasse par erreur. Celui qui a tué par erreur un croyant doit libérer un esclave croyant et payer le prix du sang à la famille de celui qui l'a tué, à moins que celle-ci n'y renonce par charité. Si la victime appartenait à un peuple ennemi, tout en étant croyante, alors la peine consiste à libérer un esclave croyant. Si elle appartenait à un peuple auquel vous êtes lié par un pacte, alors le prix du sang doit être payé à sa famille et un esclave croyant doit être libéré. Et quiconque n'en a pas les moyens doit jeûner 2 mois consécutifs. Voilà la peine imposée par Dieu. Dieu est omniscient et sage. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Quiconque tue un croyant intentionnellement, sa rétribution sera l'enfer pour l'éternité. Dieu sera en colère contre lui, le maudira et lui préparera un châtiment terrible. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. Ô vous qui croyez, lorsque vous vous lancez dans le sentier de Dieu, faites preuve de discernement et ne dites pas à celui qui vous offre la salutation de paix : tu n'es pas croyant, convoitant en cela les biens de ce monde. Or, c'est auprès de Dieu que se trouve un abondant butin. C'est ainsi que vous étiez auparavant, puis Dieu vous a accordé sa grâce. Alors faites preuve de discernement. Dieu, certes, connaît parfaitement ce que vous faites. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. Ceux parmi les croyants qui restent chez eux, sauf ceux qui ont quelques infirmités, et ceux qui font effort dans le sentier de Dieu ne sont pas égaux. Dieu confère à ceux qui luttent, corps et bien, un rang supérieur à ceux qui restent chez eux. À chacun, Dieu a promis une bonne récompense. Mais il a mis les combattants au-dessus de ceux qui ne combattent pas en leur accordant une rétribution immense. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Des grades de supériorité de sa part, ainsi qu'un pardon et une miséricorde. Dieu est pardonneur et miséricordieux. Lorsque les anges prendront les âmes de ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes, ils leur demanderont « Dans quel état étiez-vous ?» Ils répondront « Nous étions opprimés sur terre. » Les anges diront alors « La terre de Dieu n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer ?» Cela leur demeure sera l'enfer, une bien mauvaise destination. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. À l'exception des faibles parmi les hommes, ainsi que des femmes et des enfants, incapables de se débrouiller, et qui ne savent quel chemin prendre. À cela, il se pourrait que Dieu accorde son pardon. Dieu est indulgent et pardonneur. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. Quiconque émigre dans le sentier de Dieu trouvera sur terre main refuge et abondance. Et quiconque abandonne sa demeure pour émigrer vers Dieu et son messager, et qui trouve la mort, sa récompense incombe à Dieu, et Dieu est pardonneur et miséricordieux. Et quand vous parcourez la terre, vous ne commettez pas de péché en raccourcissant votre prière si vous craignez que les mécréants ne vous attaquent. En vérité, les mécréants sont vos ennemis déclarés. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. Lorsque tu, ô Mohammed, te trouves parmi eux et les diriges dans la prière, qu'un groupe d'entre eux se mette debout en ta compagnie pour prier et qu'il garde ses armes, puis, lorsqu'il a terminé la prosternation, qu'il passe derrière et laisse s'avancer un autre groupe qui n'a pas encore fait sa prière. Que ce dernier groupe prie avec toi en prenant ses précautions et ses armes. Ceux qui ne croient pas voudraient vous voir négliger vos armes et bagages afin de pouvoir vous attaquer une fois pour toutes. Vous ne commettez aucun péché si, incommodé par la pluie ou malade, vous déposez vos armes. Mais restez sur vos gardes Certes, Dieu a préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. Lorsque vous avez accompli la prière, invoquez Dieu debout, assis ou allongé. Et lorsque vous êtes en sécurité, accomplissez la prière normalement, car la prière à heure fixe est une prescription pour les croyants. Ne faiblissez pas dans la poursuite de l'ennemi. Si vous souffrez, lui aussi souffre, comme vous. Et vous espérez de Dieu ce qu'il ne peut espérer. Dieu est omniscient et sage. أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. Certes, nous t'avons révélé le livre avec la vérité, afin que tu juges entre les gens selon ce que Dieu t'a fait voir, et ne te fais pas l'avocat des traîtres. Implore le pardon de Dieu, car Dieu est certes pardonneur et miséricordieux. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. Ne plaide pas en faveur des gens qui se trahissent eux-mêmes. Certes, Dieu n'aime pas le traître et le pécheur. Il cherche à se cacher des gens, mais il ne cherche pas à se cacher de Dieu. Or, il est avec eux. Quand la nuit ils tiennent des discours qui lui déplaisent, Dieu cerne parfaitement ce qu'ils font. Certes, c'est vous qui plaidez en leur faveur dans la vie d'ici-bas, mais qui plaidera en leur faveur auprès de Dieu au jour de la résurrection, et qui sera alors leur défenseur? ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا. Quiconque agit mal ou se fait du tort à lui-même, puis implore aussitôt le pardon de Dieu, trouvera Dieu pardonneur et miséricordieux. Quiconque commet un péché ne le commet qu'à son propre détriment. Dieu est omniscient et sage. Quiconque commet une faute ou un péché, puis en jette le blâme sur un innocent, se charge du fardeau du mensonge et du péché manifeste. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. N'eût été de la grâce de Dieu sur toi, ô Mohammed, et de sa miséricorde. Une partie d'entre eux t'aurait volontiers égaré, mais ils n'égareront qu'eux-mêmes et ne peuvent en rien te nuire. Dieu t'a révélé le livre et la sagesse et t'a enseigné ce que tu ne savais pas. La grâce de Dieu sur toi est infinie. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Il n'y a rien de bon dans la majeure partie de leurs conversations secrètes, sauf si l'un d'eux ordonne une charité, une bonne action ou une conciliation entre les gens. Et quiconque fait cela, cherchant l'agrément de Dieu, nous lui donnerons une récompense énorme. Quiconque se sépare du messager, après que la guidance est manifestée à lui, et suit une voie autre que celle des croyants, alors nous le détournerons comme il s'est détourné, et le précipiterons dans la gêne. Quel détestable devenir! إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا. Certes, Dieu ne pardonne pas qu'on lui attribue des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Quiconque attribue des associés à Dieu s'égare d'un égarement profond. Il n'invoque en dehors de lui que des femelles, il n'invoque qu'un Satan rebelle. Que Dieu le maudisse, celui qui a dit « Je saisirai certainement parmi tes serviteurs une partie déterminée. Et très certainement, je les égarerai. Je leur donnerai de faux espoirs, je leur donnerai des ordres, et ils fendront les oreilles aux bestiaux. Je leur donnerai des ordres, et ils atterreront la création de Dieu. Quiconque prend Satan pour allié au lieu de Dieu est certes voué à une perte évidente. » يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. Il leur fait des promesses et leur donne de faux espoirs. Mais Satan ne leur fait des promesses que pour mieux les tromper. Ceux-là, leur demeure serait l'enfer. Ils ne trouveront aucun moyen d'y échapper. Quant à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, nous les ferons entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement. C'est une promesse de Dieu en vérité et qui est plus véridique que Dieu lorsqu'il parle. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. Cela ne dépend ni de vos désirs, ni des désirs des gens du livre. Quiconque fait un mal sera rétribué en fonction de ce mal. Il ne trouvera contre Dieu ni allié ni secoureur. Quiconque, homme ou femme, accomplit de bonnes œuvres tout en étant croyant, voilà ceux qui entreront au paradis. Ils ne seront point lésés, fût-ce d'une pellicule de noyau de date. Qui est meilleur en religion que celui qui soumet son être à Dieu tout en étant bon vers les autres et en suivant la religion d'Abraham, croyant originel. Or, Dieu a lui-même choisi Abraham comme ami intime. À Dieu appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il cerne tout par son savoir. قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. Il te consulte au sujet des femmes. Dis, Dieu vous donne son décret à leur sujet, en plus de ce qui vous est récité dans le livre. Au sujet des orphelines, à qui vous ne donnez pas ce qui a été ordonné pour elles et que vous désirez épouser, et au sujet des faibles parmi les enfants. Vous devez agir avec équité envers les orphelins, et tout le bien que vous faites, Dieu en est certes omniscient. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح Si une femme craint un mauvais traitement ou un abandon de la part de son mari, il ne leur sera pas fait de reproche s'ils se réconcilient par un compromis quelconque. La réconciliation est meilleure, mais l'esprit des hommes est porté à l'avarice. Si vous faites le bien tout en craignant Dieu, certes Dieu connaît parfaitement tout ce que vous faites. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. Vous ne pourrez jamais être parfaitement équitable entre vos épouses, même si c'est votre souhait le plus cher. Ne vous détournez pas totalement de l'une d'elles, la laissant comme en suspens. Et si vous vous réconciliez et craignez Dieu, Dieu est certes pardonneur et miséricordieux. Si les deux se séparent, Dieu pourvoira largement aux besoins de chacun. La grâce de Dieu est immense et il est parfaitement sage. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. À Dieu appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Nous avons enjoint à ceux qui ont reçu le livre avant vous, tout comme à vous-même, de craindre Dieu. Si vous ne croyez pas, c'est certes à Dieu qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Dieu se suffit à lui-même et il est digne de louange. À Dieu appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Dieu suffit comme protecteur. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. Il vous ferait disparaître, ô gens, et créerait d'autres personnes pour vous remplacer. Dieu est parfaitement capable de faire cela. Quiconque désire la récompense d'ici-bas, qu'il sache qu'auprès de Dieu se trouvent les récompenses d'ici-bas et de l'au-delà. Dieu entend et observe tout. ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Ô vous qui croyez, observez strictement la justice et soyez des témoins pour Dieu, même si c'est contre vous-même, vos parents ou vos proches, ou qu'il s'agisse d'un riche ou d'un pauvre, car Dieu a leur intérêt plus à cœur que vous. Alors ne suivez pas vos passions, sinon vous vous écarterez de la justice. Et si vous vous écartez ou vous détournez, alors sachez que Dieu sait parfaitement tout ce que vous faites. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Ô vous qui croyez, croyez en Dieu et en son messager, au livre qu'il a révélé à son messager et au livre qu'il a révélé auparavant. Quiconque ne croit pas en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier, s'égare d'un égarement profond. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. Certes, ceux qui croient, puis deviennent mécréants, puis redeviennent croyants, et enfin redeviennent mécréants, et laissent accroître leur incroyance, Dieu ne leur pardonnera jamais, ni ne les guidera vers le droit chemin. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. Annonce aux hypocrites qu'il y aura pour eux un douloureux châtiment. Ceux qui prennent pour protecteurs des mécréants plutôt que des croyants, est-ce la puissance qu'ils recherchent auprès d'eux ? En vérité, toute la puissance appartient à Dieu. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. Dans le livre, il vous a déjà révélé ceci. Lorsque vous entendez les signes de Dieu rejetés et tournés en ridicule, ne vous asseyez pas avec ceux qui le rejettent et les ridiculisent jusqu'à ce qu'ils changent de sujet de conversation. Sinon, vous seriez certainement comme eux. Certes, Dieu rassemblera les hypocrites et les mécréants, tous ensemble dans l'enfer. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. Ils demeurent dans l'expectative à votre égard. Si une victoire vous vient de la part de Dieu, ils disent: n'étions-nous pas avec vous? Et si ce sont les mécréants qui connaissent un succès, ils leur disent: n'avons-nous pas gagné un avantage sur vous? Et ne vous avons-nous pas protégés contre les croyants? Dieu jugera entre vous au jour de la résurrection. Jamais Dieu ne laissera une voie libre aux mécréants contre les croyants. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله Les hypocrites cherchent à tromper Dieu, mais Dieu retourne leur tromperie contre eux-mêmes. Lorsqu'ils se lèvent pour la prière, ils la font avec paresse et pour être vus des autres. C'est à peine s'ils invoquent Dieu. Balançant entre ceci et cela, n'appartenant ni aux uns ni aux autres, celui que Dieu laisse s'égarer, jamais tu ne trouveras de chemin pour lui. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour protecteurs des mécréants au lieu de croyants. Voudriez-vous donner à Dieu une preuve évidente contre vous? Certes, les hypocrites seront au plus profond du feu, et tu ne leur trouveras nul secoureur. Sauf ceux qui se repentent, s'amendent, s'attachent fermement à Dieu et lui vouent une foi exclusive. Ceux-là seront avec les croyants. Dieu accordera aux croyants une récompense énorme. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Pourquoi Dieu vous affligerait-il un châtiment si vous êtes reconnaissant et croyant? Dieu reconnaît le bien et il est omniscient. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا. Dieu n'aime pas que l'on profère de mauvaises paroles, sauf quand on a été injustement lésé. Dieu entend tout et il est omniscient. Que vous fassiez du bien ouvertement ou en secret, ou que vous pardonniez un mal, Dieu est pardonneur et tout-puissant. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Certes, ceux qui ne croient pas en Dieu et en ses messagers, qui cherchent à créer des distinctions entre Dieu et ses messagers, qui disent « Nous croyons en certains d'entre eux, mais ne croyons pas en d'autres », et qui cherchent à prendre un chemin intermédiaire. Les voilà les véritables mécréants, et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. Mais ceux qui croient en Dieu et en ses messagers, et qui ne font aucune distinction entre ces derniers, voilà ceux à qui Dieu donnera leur récompense. Et Dieu est pardonneur et miséricordieux. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. Les gens du livre te demandent de leur faire descendre du ciel un livre. Ils ont déjà demandé à Moïse plus encore. Fais-nous voir Dieu à découvert. Alors la foudre s'abattit sur eux à cause de leur injustice. Puis ils choisirent le veau après que des preuves claires leur fût venue. Et nous leur pardonnâmes cela. Et nous donnâmes à Moïse une autorité éclatante. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. Et lorsqu'ils ont pris leur engagement, nous avons élevé le mont au-dessus d'eux et leur avons dit « Entrez par la porte en vous prosternant ». Nous leur avons dit « Ne transgressez pas le sabbat ». Et nous avons pris d'eux un engagement ferme. Puis nous les avons maudits à cause de la rupture de leur engagement, parce qu'ils ne croient pas aux signes de Dieu, à cause de leur meurtre à justifier des prophètes, et parce qu'ils ont dit « Nos cœurs se sont incirconcis ». En réalité, c'est Dieu qui a scellé leur cœur à cause de leur incroyant. Alors ils ne croient pas, sauf un petit nombre d'entre eux. Et également à cause de leur incroyance et de l'énorme calomnie qu'ils profèrent à l'encontre de Marie. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. Et aussi parce qu'ils affirment « Nous avons vraiment tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le messager de Dieu. » Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais cela leur est apparu ainsi. Et certes, ceux qui ne sont pas d'accord sur ce sujet sont remplis d'incertitudes. Ils n'en ont aucune connaissance certaine et ne font que suivre des conjectures. Ils ne l'ont certainement pas tué, mais Dieu l'a élevé vers lui. Et Dieu est puissant et sage. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. C'est à cause des iniquités des Juifs que nous leur avons interdit les bonnes choses qui leur étaient licites, et aussi parce qu'ils obstruent beaucoup le sentier de Dieu. Et qu'ils prennent des intérêts usuraires, alors que ceux-ci leur ont été interdits, et parce qu'ils dévorent illégalement les biens des gens en utilisant la ruse. Pour ceux d'entre eux qui ne croient pas, nous avons préparé un douloureux châtiment. والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. Mais ceux d'entre eux qui ont de solides connaissances, ainsi que les croyants, croient à ce qui t'a été révélé et à ce qui a été révélé avant toi. Et surtout, ceux qui sont assidus dans la prière et ceux qui payent la zakat, ceux qui croient en Dieu et au jour dernier, à cela nous donnerons une énorme récompense. Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Certes, nous t'avons fait des révélations, comme nous en avons fait à Noé et aux prophètes après lui, Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, Jésus, Job, Jonas, Aaron et Salomon, et avons donné les psaumes à David. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. Il y a des messagers dont nous t'avons parlé et des messagers dont nous ne t'avons point parlé. Dieu a parlé à Moïse de vive voix, en tant que messager annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur, afin que les gens n'aient point d'argument devant Dieu après que leur soient venus les messagers. Dieu est puissant et sage. Dieu témoigne lui-même au sujet de ce qu'il t'a révélé. Il a révélé en toute connaissance. Les anges en témoignent également. Dieu suffit comme témoin. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. Certes, ceux qui ne croient pas et obstruent aux autres le sentier de Dieu se sont profondément égarés. Ceux qui ne croient pas et se comportent de façon injuste, Dieu ne leur pardonnera jamais, ni ne les guidera sur aucun chemin, si ce n'est celui de l'enfer où ils demeureront éternellement, et cela est très facile pour Dieu. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Ô gens, le messager est venu à vous avec la vérité de la part de votre Seigneur. Alors croyez, c'est bien meilleur pour vous. Mais si vous refusez de croire, c'est quand même à Dieu qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Dieu est omniscient et sage. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites sur Dieu que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'était qu'un messager de Dieu. Sa parole qu'il transmit à Marie est un esprit provenant de lui. Croyez donc en Dieu et en ses messagers, et ne dites plus trois. Cessez, ce sera bien mieux pour vous. Dieu est un Dieu unique. Il est trop parfait pour avoir un fils. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Dieu suffit comme protecteur. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. Jamais le Messie ne trouvera indigne d'être un serviteur de Dieu, ni les anges qui lui sont proches. Et ceux qui trouvent indigne de l'adorer et font preuve d'arrogance, il les rassemblera tous vers lui. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من Quant à ceux qui auront cru et accompli de bonnes œuvres, il leur accordera leur pleine récompense et encore plus de par sa grâce. Quant à ceux qui étaient pleins de mépris et d'arrogance, il les châtiera d'un douloureux châtiment. Ils ne trouveront pour les aider, en dehors de Dieu, ni protecteur ni secoureur. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. Ô gens, une preuve évidente vous est venue de la part de votre Seigneur, et nous avons fait descendre vers vous une lumière éclatante. Alors ceux qui croient en Dieu et s'attachent à lui, il les fera entrer dans sa miséricorde et dans sa grâce, et il les guidera vers lui par un chemin droit. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Il te demande une décision légale. Dis. Dieu a décrété concernant celui qui n'a ni parents ni enfants. Si un homme meurt et qu'il a une sœur, à elle la moitié de l'héritage. Il aurait hérité d'elle si elle était morte sans laisser d'enfants. S'il a deux sœurs, alors à elle les deux tiers de l'héritage. S'il a des frères et des sœurs, alors à un frère revient une portion équivalente à celle de deux sœurs. Dieu vous explique, afin que vous ne vous trompiez pas. Dieu est omniscient.